Bonjour et bienvenue dans le podcast Notre Belle Fratrie, le podcast qui s'intéresse aux relations entre les frères et sœurs. Nous sommes Caroline et Charlotte, deux sœurs très proches qui avions envie depuis longtemps de créer un podcast ensemble. Qui est différent ou pas, je pense que ce qui lie les fratries, c'est vraiment l'amour. Elles me donnent beaucoup de force, toutes les deux, chacune à leur manière. Est-ce que tu es contente d'être la troisième, la plus jeune ? Oui, j'aime être la troisième, on peut dire oui. L'histoire que vous allez entendre, c'est celle de Diane, Thibaut et Lise. Soudés par un amour inconditionnel les uns pour les autres, ces frères et sœurs ont su faire de leur différence une force. Leur histoire fraternelle a joué un rôle central dans leur construction, et vous allez voir dans cet épisode qu'elle continue de le faire jour après jour. Moi, je m'appelle Diane, je viens du Nord-Pas-de-Calais, j'ai grandi dans le Nord à peu près toute ma vie. J'habite à Paris maintenant et je fais partie d'une famille de 5 personnes, donc avec 2 parents et 3 enfants. Je suis l'aînée, en dessous de moi, il y a mon petit frère qui s'appelle Thibaut et encore en dessous, il y a ma petite sœur qui s'appelle Lise et on a tous 3 ans d'écart. Donc du coup, moi, j'ai 6 ans d'écart avec Lise. Moi, c'est Thibaut, j'ai 24 ans, je fais partie d'une famille de 5, hein, donc du coup, il y a mon père, ma mère et mes 2 sœurs. Et du coup, je suis le seul garçon au milieu. Je m'appelle Lise et j'ai 21 ans. Et oui, j'ai une sœur et un frère et je suis la dernière. Voilà. Alors en fait, la relation que j'avais avec mes frères et sœurs était assez singulière. En fait, on s'est toujours beaucoup aimés. Et en même temps, typiquement avec mon frère, on se disputait vraiment tout le temps. Mais vraiment pour tout et rien depuis qu'on était petits. Maintenant, on s'entend très bien et c'est très serein entre nous, on s'aime toujours autant. Mais c'est vrai que quand on était petits, il suffisait qu'il y en ait un qui ait une pomme de terre de plus dans son assiette pour que ça fasse un drame. Dès qu'on était servi, notre premier réflexe, c'était de compter ce qu'il y avait dans l'assiette de l'autre. Quand il y en avait un qui avait un verre plus grand ou qui était plus servi ou quoi que ce soit, c'était vraiment toujours des petites broutilles et on s'embêtait tout le temps. Et je pense que mes parents savaient plus trop quoi faire. Alors ma relation avec Diane quand j'étais petit, c'était souvent des petites disputes, vraiment enfin des trucs anodins quoi, mais on se faisait des bons délires quoi. On jouait souvent. Elle prenait à cœur son rôle de grande sœur. Elle avait toujours le dernier mot. C'est elle qui décidait. Non, mais c'était marrant, des bons souvenirs. Je me souviens même d'une fois où on était partis ensemble en vacances, tous ensemble sur un bateau, un voilier. Et donc c'est quand même un endroit assez petit, assez restreint, assez confiné. Et mon frère et moi, on se bouffait tellement le nez. Je sais pas si c'est une expression qui se dit, mais mon père dit toujours ça. On se bouffait tellement le nez que mes parents n'en pouvaient plus. Ils nous engueulaient. Et après, pendant le dîner, mon frère et moi, dès qu'on se croisait le regard, on était morts de rire. Et un jour, mon père, il nous a sortis, entre guillemets, par la peau des fesses. Il nous a mis sur le pont du bateau et il nous a dit « Ok, maintenant, vous avez 10 minutes pour vous vider de votre rire. Je veux que quand vous reveniez, il n'y ait plus du tout de rire en vous. » Et en fait, on a ri pendant 30 minutes, je pense, à se tordre les boyaux, quoi. c'était assez amusant. Mais après, quand on a grandi, c'était un peu plus apaisé avec lui. En fait, quand au début, je prenais toujours l'ascendant sur lui, donc il est resté assez petit longtemps. Et du coup, je m'amusais à passer derrière lui, à le mettre par terre. Enfin, franchement, j'étais pas cool comme sœur du tout. Mais on savait quand même partager et être cool. Et un jour, je l'ai mis par terre pour la 200 000e fois. Et en fait, il m'a regardé droit dans les yeux. Et il m'a dit, de toute façon, je vais plus résister. Mais sache que quand je vais grandir, je te rendrai ça au triple. Et du coup, je l'ai plus trop fait. Et j'ai bien fait parce que maintenant, il me maîtrise avec son petit doigt. Donc, j'ai bien fait de me protéger et de l'écouter ce jour-là. Aujourd'hui, la relation que j'ai avec Diane aujourd'hui, ça a très très bien évolué. Franchement, c'est quelque chose de puissant, j'ai pas d'autre mot. On est hyper sincères entre nous. Même si on est chacun... à l'autre bout de la France, même si on est super loin l'un de l'autre, en fait, on sait très bien que on est là l'un pour l'autre et que s'il y a un souci ou quoi, soit dans les bons ou dans les mauvais moments, on est toujours présent l'un pour l'autre. Donc c'est vraiment une super relation. Non, c'est vrai qu'avec mes frères et sœurs, moi j'ai toujours été hyper jalouse. Par exemple, quand c'était l'anniversaire de mon frère. Et que lui avait des cadeaux et moi non, ça me semblait inconcevable. Et vraiment, ça me plaisait pas du tout comme situation. Je pouvais faire des crises. J'avais vraiment besoin de toute l'attention sur moi quand j'étais plus petite. Et après, donc, moi, je me souviens surtout, j'ai surtout ces souvenirs-là avec mon frère. Et après, il y a ma petite sœur qui est arrivée. Donc, quand j'avais 6 ans. Et donc, très vite, j'ai compris qu'il y avait un souci parce que je suis allée chez mes grands-parents. Enfin, on était chez les parents de mon père, du coup, quand ma maman est partie à la maternité. Et tout se présentait très bien. Et sauf qu'en fait, normalement, on est assez... Enfin, dans mes souvenirs, mon petit frère, même si j'étais toute petite, on savait quand même assez vite ce qui se passait. Et là, je me souviens qu'on devait pas dormir chez eux. Mais au final, on a dormi chez eux. Ils voulaient pas trop nous expliquer ce qui se passait, etc. C'était hyper long. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on a senti un peu qu'il y avait... Enfin, en tout cas, moi, j'ai senti qu'il y avait un petit souci, mais sans vraiment conscientiser. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ma sœur est née, il y a eu un problème à l'accouchement. En fait, on ne sait pas vraiment parce que c'est potentiellement une négligence de la part de l'hôpital. On n'a jamais vraiment fait la lumière sur ce qui fait qu'elle a un retard aujourd'hui. Je vais vous expliquer après. Mais en tout cas, la théorie la plus probable et que ma mère met en avant en général lorsqu'elle en parle, c'est que quand elle a accouché, elle s'est un peu presque noyée dans le liquide amniotique. Enfin, elle a bu la tasse. C'est comme ça, en tout cas, qu'elle nous expliquait quand on était petit. Et du coup, ça lui a, elle explique, grillé des cellules dans le cerveau, quoi. Donc, ma sœur, quand elle est née, elle était en détresse totale. Ils lui ont retiré très vite. Et elle a passé beaucoup de temps à l'hôpital. Je sais plus exactement combien de temps, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais plusieurs semaines, ça c'est clair et net. Et donc, du coup, elle était à l'hôpital Saint-Antoine à Lille, il me semble. Et donc, du coup, ma mère, tous les jours, elle allait la voir. Je me souviens, ça me faisait trop bizarre parce que ma mère, elle allaitait. Elle nous a allaités tous les trois. Et en fait, quand elle revenait, elle avait cette sorte de machine pour tirer son lait. Et je regardais toujours avec des gros yeux. Je me disais, mais quelqu'un est en train de manger ma maman, je ne comprends pas. Et du coup, voilà, donc elle est allée donner le lait tous les jours, elle allait la voir tous les jours. Et nous, on se rendait pas trop compte. Enfin, moi, j'avais 6 ans, mon frère avait 3. Et même les parents, en fait, ils savaient pas trop. Mais en tout cas, le deuxième prénom de ma sœur, qui s'appelle Lise, c'est Victoire. Parce que ce jour-là, enfin, on n'était vraiment pas sûr qu'elle allait vivre, en fait. C'est pour ça qu'ils l'ont appelée comme ça. Pour célébrer la bonne nouvelle, qu'elle soit restée avec nous malgré ce jour un peu compliqué. mes parents, ils ont pas vraiment pu avoir de mots, ils ont pas vraiment expliqué, ou en tout cas, je m'en souviens pas. Moi, ce dont je me souviens, c'est surtout la période qui était hyper longue chez mes grands-parents et en fait une espèce d'ambiance qui faisait que c'était quand même étrange. Mais même mes parents savaient pas si elle allait avoir des séquelles après. C'était juste un accouchement qui s'était pas hyper bien passé. Elle avait dû ensuite aller en couveuse, etc. Mais on savait pas du tout ce que ça allait donner. On en avait aucune idée. Et donc, du coup, c'était le flou dès le début. Donc, nous, ils nous ont rien dit. Juste, on était contentes quand elle est rentrée, dans sa grande chambre avec de la moquette jaune. Avec mon frère, on lui avait fait un petit collier qu'on avait mis à l'entrée de sa porte avec des petites perles avec son nom écrit dessus. On savait juste que voilà, on avait une nouvelle petite sœur. Mais on savait pas le reste. Alors ma relation avec Lise, ça n'avait rien à voir. Clairement, je pense que c'est incomparable. Déjà parce que c'est deux personnes différentes, mais en plus que Lise a sa petite différence aussi. Non, mais c'est une relation simple, on va dire. Il y avait pas tant de disputes. C'était classique. Je sais pas trop comment dire ça. Comment dire? Les composantes, en tout cas, ce qui fait qu'elle est différente et ce qui fait que ça se voit, c'est qu'elle a pas les mêmes référentiels sociaux que nous. Elle se rend pas compte des normes sociales, en tout cas de certaines normes sociales. Elle a pas la même volonté. Elle a pas la même réalité que nous. Par exemple, elle a une mémoire incroyable. Mais si elle trouve que t'es un peu grosse, elle va te dire « Oh là là, t'es hyper grosse !» Tu vois. Et elle a pas de filtre. Elle a zéro filtre, vraiment. Je pense qu'au début, quand elle était plus jeune, donc du coup, je pense que toute mon attention était très centrée sur mes activités, je faisais beaucoup, beaucoup d'équitation à l'époque. Je me disputais avec mon frère, j'allais à l'école. Franchement, j'ai eu une enfance ultra heureuse. Et mes parents ont toujours fait en sorte de minimiser le tout. Et c'est aussi de nous protéger pour qu'on n'ait pas à porter, entre guillemets, cette différence-là. Et en plus, quand elle est petite, on se rend pas forcément compte de la différence. Par exemple, là, aujourd'hui, elle a 21 ans. Eh ben, tu la mets à côté d'une autre fille de 21 ans, forcément, on voit la différence. Alors que quand t'es enfant, le fait d'avoir des retards sur la logique, l'écriture, tout ce genre de choses, la lecture, ça paraît pas forcément choquant, parce que des enfants qui ont des rythmes différents, il y en a plein. Mais c'est vrai que moi, je ne comprenais pas, j'arrivais pas du tout à intégrer. Enfin, j'arrive pas trop à situer en termes de temps. Mais quand enfant, adolescente, je comprenais pas pourquoi elle avait droit à des trucs auxquels nous, on n'avait pas eu droit. Pourquoi elle avait droit à plus d'attention? Pourquoi elle avait droit, par exemple, à avoir une console plutôt que nous? Pourquoi elle avait droit de faire plus d'activités? Ou pourquoi elle avait droit de... En fait, des trucs hyper futiles. Et mes parents faisaient tout pour essayer de gommer ça. Franchement, on a eu tout ce qu'on voulait, entre guillemets, avec mon frère et avec ma sœur aussi. C'était juste des disputes d'enfants, en fait. Et c'est plutôt vers l'adolescence où là, moi, j'ai eu de la peine à comprendre. Et il y a eu des événements qui m'ont fait me rendre vraiment compte. En fait, même tu nies un peu cette différence-là. Même toi, tu acceptes pas trop. Et du coup, quand t'es là, t'es ado, en plus t'es un peu rebelle, t'en as un peu marre de tout, t'es un peu énervé de tout. Et puis t'es là avec ta sœur qui prend tellement de place. Et puis qui te parle tout le temps, qui te sollicite, qui s'énerve, et que du coup, elle a le droit de partir plus tôt de table pour appeler son amoureux, alors que toi, t'as jamais eu le droit de faire ça. Et tu te dis, oh là là, mais c'est quoi ce délire, tu vois? Et et non, franchement, quand j'étais ado, c'était hyper compliqué pour moi. C'était vraiment hyper compliqué pour moi. Et le nombre de disputes qu'il y a eu, parce que du coup, les parents qui portent ça déjà de base, eh ben, il y a leur fille aînée. Parce que mon frère, il s'est plutôt mis en mode je m'en fous, je reste dans mon coin et démerdez-vous. Ben, honnêtement, la relation avec Lise aujourd'hui, on s'appelle rarement, on s'envoie rarement des messages. Je prends souvent des nouvelles en fait via mes parents, mais dès qu'on se revoit, on est content de se revoir quoi. Et qu'est-ce que tu préfères chez Thibaut? J'aime bien qu'on aille à l'escalade. D'accord. Ok. En fait, quand ma sœur est arrivée, je suis peut-être pas correcte chronologiquement parlant parce que j'ai beaucoup de mal avec la notion du temps. Mais en gros, quand elle est arrivée, je pense que quand on était petit avec mon frère, on se rendait pas trop compte. Surtout que maintenant que je regarde en arrière, mes parents, ils se sont vraiment déployés comme des super-héros pour qu'on soit le plus... On n'était pas des enfants gâtés, je trouve qu'on a été bien éduqués, même si ça manque peut-être de modestie, mais je suis super fière de mon éducation et j'ai pas peur de le dire. Mais quand on a grandi et qu'on a commencé à être adolescent et du coup que elle aussi, elle a grandi, qu'elle a commencé un peu à s'affirmer dans certains sens et à prendre encore plus de place presque et avoir des libertés entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que je vais m'expliquer juste après. Ça nous a rapprochés parce que du coup, on s'est un peu rapprochés dans notre dualité. Et au début, on s'est rapprochés en se disant, ok, ça nous saoule. Et après, on s'est rapprochés en se disant, ok, on a compris, on a grandi, on va faire face ensemble. Et je vais reprendre avant que j'oublie la partie sur le fait qu'elle ait, entre guillemets, droit à des trucs qu'on n'avait pas droit. Typiquement, quitter la table plus tôt ou aller chez des amis plus que nous. Enfin, je dis plus que nous, alors qu'en fait, nous, on a toujours pu aller chez autant d'amis qu'on voulait, mais on devait faire plus attention à nos devoirs, ce genre de choses. Un jour, mon père et ma mère aussi, d'ailleurs, un jour, ils nous ont pris entre quatre yeux. Ils nous ont dit, mais en fait, Vous râlez parce que elle a eu une console, vous râlez parce que si, parce que ça. Mais en fait, vous rendez compte que elle a que ça. Que elle a pas d'amis à l'école. Que elle va pas avoir tout ce que vous avez. Que elle a pas les mêmes interactions sociales que vous. Alors, peut-être que vous avez l'impression que c'est pas égal. Mais c'est largement équitable. Vraiment, la différence entre égalité, on doit avoir tous la même chose, et équité. Elle, il y a des trucs qu'elle pourra jamais avoir, qu'elle pourra jamais comprendre, qu'elle pourra jamais appréhender. Et vous l'avez. Donc, s'il vous plaît, grandissez. Et ça, on a dû comprendre, tu vois. Ah, c'est sûr que quand elle est arrivée, j'étais plus le dernier. Bien sûr, j'avais le sentiment du grand frère qui... Mais c'était un peu partagé parce que je restais quand même le petit frère de Diane, mais j'étais quand même le grand frère de Lise. Donc, si, il y avait un sentiment quand même de protection qui s'installait au fur et à mesure. De donner le bon exemple. Ouais, toujours la petite jalousie aussi parce que quand t'es plus le dernier, ben, c'était plus le chouchou, quoi, mais. Je pense que cette notion égalité, équité, m'a forgé la personnalité que j'ai aujourd'hui. Parce que maintenant, je vais être beaucoup plus dans la compréhension. Par exemple, pour moi, personne n'est méchant. Il n'y a pas de méchant, ça n'existe pas. Il n'y a que des gens malheureux. En fait, je donne une raison à tout. Je pense que tout arrive pour une raison. Je pense que les gens sont ce qu'ils sont et réagissent comme ils réagissent parce qu'il y a des raisons, parce qu'il y a un background, et qu'il faut pas se formaliser. En fait, j'essaye de plus, enfin, au maximum en tout cas, parce que on reste humain et c'est quand même une race un peu étrange, mais essayer de pas être dans le jugement, de pas être dans, ou même dans la moquerie ou dans le dénigrement, et d'accepter en fait des différences. Typiquement sur des différences culturelles ou religieuses, je pense que quand j'étais adolescente, je pouvais être plus intolérante entre guillemets, et que maintenant tout me semble justifié, parce que je me dis chacun entre guillemets, chacun vaut midi à sa porte. Désolée pour l'expression un peu vieillotte, mais quand les gens sont opposés diamétralement à toi, qui sont vraiment contre ce que tu dis, ça veut pas dire qu'il y en a un qui a raison et qu'il y en a un qui a tort. Ça veut dire que chacun défend son bout de pain entre guillemets, parce qu'il est persuadé que c'est ça le mieux. Les gens ne sont pas, ils ont pas envie d'être méchants ou d'être butés juste pour le plaisir de l'être, même si il y a des exceptions. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment une question de perception. Et du coup, c'est hyper complexe, parce qu'au final, qui a raison, qui a tort, est-ce qu'il y a vraiment une vérité, ça c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, elle m'a vraiment ouvert sur déjà sur le côté équité, égalité. Que ça, c'est quelque chose que je peux très bien comprendre aujourd'hui. Et aussi sur le côté compréhension de l'autre, acceptation de la différence. Et c'est vraiment, en fait, c'est de l'empathie fois 10 000, en fait. Ma relation avec elle en tant qu'adulte a évolué, notamment depuis cet été, enfin depuis l'année dernière, cet été, parce que je suis en train de changer de métier. Je suis en train de me former pour devenir sexologue, et donc du coup je lui ai expliqué ce que c'était. Lise, en fait, ça fait à peu près 5 ans qu'elle a un amoureux, et en fait pour elle être célibataire, c'est vraiment quelque chose qui est pas envisageable. Typiquement, il y a des normes sociales auxquelles elle répond pas, mais pour le coup elle est assez poreuse par rapport à ce qui est dit à la télé, par rapport à ce que tu vois dans les publicités. Tu vois, quand elle était plus petite, un jour, on est allé au supermarché, elle m'a dit « Oh, mais c'est cette lessive-là qu'il faut acheter, c'est pas une autre parce qu'elle lave plus blanc que blanc. » Et donc, bref, chemin faisant, elle est avec ce mec-là, qui est son amoureux, et j'ai essayé de faire un petit peu des percées via ça, pour me positionner entre guillemets en tant que conseillère, et avant la sexologie, en tant que conseillère, en tant que sœur, en fait, je me suis dit tiens, c'est cool, parce que moi aussi j'ai eu des amoureux, je sais comment on peut interagir, parce que typiquement elle l'appelle de manière assez frénétique, elle envoie beaucoup de messages et elle devient très très angoissée si jamais il lui répond pas ou quoi que ce soit, et du coup ça a commencé vraiment avec cette relation-là, qui a fait vivre en fait notre nouvelle relation à elle et moi. Et du coup, je trouve ça cool parce qu'elle m'utilise comme référence. Et elle parle de ça à ses amis, et notamment la sexualité et le handicap, c'est ultra tabou. Pour la plupart des gens, on n'en parle pas, on ne dit rien, on occulte, comme si en fait, quand t'es différent, que tu sois différent mentalement, que tu sois différent physiquement, quoi que ce soit, mais en fait, t'as pas droit à la sexualité. À la rigueur, t'as un peu droit à l'amour, mais bon, faut pas trop en parler parce que c'est hyper gênant, et surtout qu'en général, où il peut y avoir une réaction de « je me mute un peu dans un silence et j'ai bien compris que c'était gênant, du coup, je vais pas en parler », et voilà. Ou sinon, il y a « j'ai aucune notion » des normes sociales, et je vais te poser des questions tellement crues que tu vas me répondre une fois, mais pas deux, quoi. Tu vas me laisser la porte ouverte une fois, mais pas deux. Et donc, du coup, voilà, t'es dans cette espèce d'entre-deux. Et donc, du coup, moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool d'avoir pu utiliser ce nouveau métier-là, un peu comme si j'avais un passeport pour devenir une sœur encore plus cool. Et du coup, qu'elle m'utilise comme référence auprès de ses amis ou qu'elle puisse m'appeler pour tout ce genre de choses, je trouve ça cool. Si j'avais un petit message à dire à toutes les deux, c'est que moi je suis super fier en fait de les avoir comme sœurs. Elles me donnent beaucoup de force toutes les deux, chacune à leur manière. Je les remercie simplement pour ce qu'elles sont, quoi. C'est des personnes exceptionnelles. Je pense que toute la vie on sera là les uns pour les autres. Et j'ai hâte de repasser des moments avec elle. Je leur fais des gros bisous aussi. Et alors donc, si tu avais Diane et Thibaut devant toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Si j'avais Diane et Thibaut devant moi, je leur dirais, j'aimerais bien les voir pendant les vacances de Noël et pendant les vacances d'été. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes faire avec Diane et Thibaut pendant les vacances? Avec Thibaut, j'aime faire de la branche. Oui. Et Diane, je sais pas, aller à la plage, l'équitation. Ok, super. Est-ce que tu veux rajouter des choses sur Diane et Thibaut? T'as un souvenir? Et qu'est-ce que t'aimes pas? Non, j'aime tout. T'aimes tout? Donc, quoi qu'il fasse, t'aimes bien? Oui. Est-ce que tu es contente d'être la troisième, la plus jeune? Oui, j'aime être la troisième, on peut dire oui. D'accord. Qui est différence ou pas, je pense que ce qui lie les fratries, c'est vraiment l'amour. Et moi, ma petite sœur, je l'ai toujours aimée. Depuis le début où j'ai commencé à flipper quand on n'avait pas de nouvelles, même déjà quand elle était dans le ventre de ma maman, et je l'aime encore plus aujourd'hui. Enfin, c'est un amour qui grandit, et c'est surtout un amour inconditionnel, c'est pareil pour mon frère. Je l'aime, et même si, je sais pas, il faisait un truc qui me plaisait pas du tout, c'est pas comme avec des personnes extérieures. En fait, c'est un amour qui est immuable, en fait, qui me semble immuable. Après, j'ai la chance d'avoir des relations hyper saines avec eux, et je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal avec leurs frères et sœurs, mais en tout cas, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et ça, c'est le plus important. Moi, je voulais remercier Diane, Thibaut et Élise et leur papa d'avoir témoigné et d'avoir pris le temps de répondre à tes questions, nos questions pour cet épisode. J'ai trouvé qu'ils sont tous les trois hyper touchants et que c'est vraiment une belle histoire de fratrie. Enfin, on sent vraiment tout l'amour qu'ils ont les uns envers les autres, je trouve. C'est vrai qu'on s'en parlait. Enfin, le but de notre podcast, c'est de vraiment donner la parole à toutes les fratries, donc toutes sortes de fratries. Et c'est vrai que dans cet épisode, on traite d'un sujet particulier qui est rarement, je trouve, traité sous cet angle-là, parce qu'on s'intéresse souvent à la personne qui est handicapée ou même aux parents, parce que c'est eux qui gèrent l'éducation, mais moins aux frères et aux sœurs, alors qu'on l'a entendu, ça a vraiment joué un rôle important pour eux. Ça, ils se seraient pas construits de la même façon s'il n'y avait pas eu cet événement dans leur vie. Oui, non, mais c'est vrai, t'as raison. Et en faisant des recherches un peu, c'est vrai que j'ai trouvé peu d'articles ou d'études sur justement précisément les fratries avec un enfant différent ou handicapé. Et pourtant, comme tu dis, ça a retenti sur leur construction psychique, sur leur manière d'être, sur leur identité sociale, voilà, sur leur interaction avec les autres. Et ça a forcément, ça joue un rôle important. Non, mais tu vois, on voit qu'ils ont dû aussi faire preuve d'une certaine créativité, parce que je sais pas, en fait, tu vois... Enfin, Diane, elle le dit à la fin, elle a dû réfléchir à comment inventer la relation avec sa sœur pour... Parce que forcément, c'est une relation qui est différente. Et moi, je trouve ça hyper beau et touchant qu'elle se soit investie de cette façon et qu'elle ait une relation particulière avec elle, quoi. Et j'ai trouvé aussi que c'était assez intéressant cette notion d'équité et d'égalité dont elle parle. Diane, voilà, elle en parle au sein de la fratrie. C'est un sujet, je trouve, la jalousie et tout ça, c'est un sujet de toute façon un peu universel entre les fratries. Mmh. Bah, je sais pas comment dire, c'est un sujet qu'on retrouve... récurrent, c'est un sujet récurrent dans les fratries. Mais là, du coup, tu l'abordes différemment et c'est vrai que j'imagine, et de ce qu'ils disent un peu, tu t'autorises pas toujours à être jaloux. Parce qu'en fait, c'est très important dans une fratrie, cette histoire de jalousie pour la construction des personnes. C'est partie intégrante d'une relation fraternelle et c'est, voilà, c'est normal. Et du coup, quand on a un frère ou une sœur différent... Eh ben, cette jalousie, on la laisse pas forcément s'exprimer parce que ben, on se dit qu'on n'est pas légitime, en fait. Ouais. On n'est pas légitime à être jaloux. Je lisais des choses sur, dans des articles et tout ça. Et il y avait un monsieur qui racontait qu'il avait pas trop réussi à rencontrer son frère handicapé parce que ses parents intervenaient sans cesse dans leur relation pour dire attention, ça avec ton frère faut pas le faire, ça fais comme ça, bah prends-le plutôt comme ça ou je sais pas. Et du coup quand l'intervention des parents est trop présente, il est difficile pour les enfants d'une fratrie avec un enfant différent de construire une vraie relation avec l'enfant handicapé ou différent. Et je trouvais ça intéressant. J'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas pour la famille de Diane, de Thibaut et Lise, parce que je crois qu'ils ont construit quelque chose, justement. Ouais. Qu'ils ont une vraie relation, tous les trois. Donc voilà, mais c'était juste une réflexion intéressante, je trouvais, de l'intervention en fait, des parents qui veulent bien faire, évidemment, mais qui peut-être empêchent quelque chose de se créer. De se former entre les frères et sœurs. Les grandissants deviennent totalement indépendants les uns des autres, alors que dans cette situation particulière, le handicap nécessite la perpétuation d'un lien. C'est marrant, ça veut dire que... Enfin, c'est marrant. C'est juste... Ça veut dire qu'encore plus que d'autres frères et sœurs, ils sont liés à vie, dans le sens où... une solidarité encore plus forte. Enfin, je sais pas... Tu vois, on dit les frères et sœurs, c'est lié à vie. Ouais, c'est ça. Ça renvoie aussi à ce que Thibaut il dit dans l'épisode. Il parle beaucoup de protection. Mm. Et c'est vrai qu'à mon avis, c'est un sentiment qui se développe de façon naturelle quand t'es l'aîné, quand t'as des frères et sœurs qui sont plus petits que toi. Mais je pense encore plus quand ils sont différents. Merci pour votre écoute. On vous dit à très vite pour un prochain épisode. En attendant, si vous souhaitez participer et venir nous parler de votre fratrie, vous pouvez nous contacter sur Instagram @notrebellefratrie. Et suivez-nous. À bientôt. Bon, bah, j'espère que ça ira, Charlotte. On lui dit au revoir. Au revoir, Charlotte. Allez, salut.